The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Pedestrian crossing. Le passage piéton. Sign. Le panneau. To turn back. Faire demi-tour. Fine. Une amende. Now, a bit faster. Pedestrian crossing. Le passage piéton. To turn back. Faire demi-tour. Pedestrian crossing. Le passage piéton. Sign. Le panneau. Pedestrian crossing. Le passage piéton. To turn back. Faire demi-tour. Pedestrian crossing. Le passage piéton. To turn back. Faire demi-tour. Sign. Le panneau. Now, use the words in context. Le passage piéton. Please use the crosswalk. Vous êtes prié d'emprunter le passage piéton. Le panneau. Do you know this road sign? Tu connais ce panneau de signalisation? Faire demi-tour. Flip a U-turn, we are lost. Fais demi-tour, on est perdu. Une amende. If I drive on the sidewalk, I might get a ticket. Si je roule sur le trottoir, je risque de prendre une amende.